Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin. Simon Rousseau. Salut Frédéric, salut Martin. bien joué. T'es vraiment du bon, Et Mathieu Bouillon. Salopette. Oh, magnifique. Tu sais, je commençais comme si je disais salut. Ouais. Finalement, ça sonnait comme une insulte de western doublé. Oui, salopette. Oui. Salopette. Salut. Eh bien, pas de problème pour ceux qui n'auraient pas écouté les 200 premières balados. Eh bien, c'est une balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout, le temps de trouver des solutions à votre problème et parfois vous offrir des solutions qui vont créer d'autres problèmes pires encore. Et ça, ces problèmes-là, vous les envoyez par... Par quoi, Mathieu? Par courriel. Oui, pas de problème. @gmail.com. Ou par... Facebook. Oui, tu me pointais moi, je pensais que ta main pointait Simon. Quand vous voulez, les gars. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut se texter des problèmes? Oh! On l'a jamais essayé. Ah, non. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On a souvent proposé aux gens, arrêtez-nous dans la rue pour nous proposer vos problèmes. Oui. Mais ou arrêtez quelqu'un que vous pensez qui est peut-être un de nous quatre. Oui, si vous ne savez pas de quoi on a l'air. Oui. Exact. Hey man, moi là, ça me pique dans le dos. Mais qui êtes-vous? C'est même Joe Bichon. Mais je donnerai pas mon numéro, mais... Est-ce qu'on peut envoyer un dessin à une boîte postale? Ça serait super. Hein? Oh mon Dieu. On le scannerait, hein, Antoine, le dessin, il donnait toujours son adresse. Oui. On pourrait donner le numéro et l'adresse d'Antoine. Je pourrais donner l'adresse de Radio-Canada, puis... Puis retourner, faire « Salut, j'ai-tu du courrier? » Puis ils vont pas te donner. T'as un dessin de Banjo Bouchon. Ouais. C'est ça. L'adresse du Lion d'or. Oui. Bon, on va penser à ça. Ouais. Hein? On va revenir. Ouh. On pourrait faire un géocatch. C'est pas ça le problème de cette semaine. Okay. Oh, hey, déjà, on est en mode solution. C'est vraiment une solution amusante. De toute façon, tu le caches sous une roche, dans un parc. On va te donner les coordonnées. Ouais. On va donner les coordonnées Google Maps. Oui. J'allais porter ça là, on va ramasser ça là. Je vais mettre mon frère 2020. En charge de ça. Il est vraiment un grand fan de géocaching. De géo. Okay. Alors, on a un problème cette semaine. Pom, pom, pom. Problème épineux, hein? S'il en est un. Il nous vient de Antoine Elwin. Cher pas de problème, j'ai un problème épineux s'il en est un. Bon. Quand je m'exprime en français, il m'arrive souvent que des expressions ou des mots viennent en anglais pour exprimer mes idées de façon plus précise. Cela est agaçant et peut m'amener à hésiter ou bafouer, alors que la langue française devrait être amplement suffisante pour exprimer mes idées. Je travaille dans les deux langues sur une base régulière, mais je ne vis pas ce phénomène dans le sens inverse. Un exemple parmi tant d'autres, au lieu de dire balado-diffusion, il me vient plus rapidement à l'esprit l'anglicisme podcast. Merci pour votre aide. Mmh. Oui, c'est pas un petit problème, ça. Non, mais on le vit tous aussi, je pense. Hein? Tu sais, à quel point, des fois, tu as l'impression que le mot ou l'expression anglaise cerne mieux le concept que tu veux décrire. Toi, tu le vis là. Full, Mathieu. Moi, je le vis full. Non, mais c'est vrai, tu sais, même autant au travail que dans la vie, là, on dirait que, mettons, je dis un concern, tu sais. Ouais. Le client a un concern. Avec... Ça, c'est l'enjeu, en fait. Ça, c'est, ouais, c'est comme un souci, c'est comme un enjeu, mettons. Ben oui, mais le pire que ça, c'est de le franciser. Un concern. Ouais, des choses de même, là. Des fois, ça arrive. Mais souvent, c'est le problème quand tu travailles dans les deux langues. Il y a des mots qui... Oui. Moi, j'ai travaillé avec Ubisoft dernièrement. Okay. Puis la fille, c'est une Française, mais elle nous disait des mots pas possibles. Tu fais... Clairement, tu travailles trop avec des anglophones en ce moment. Puis tout francisé. Oui, oui, c'est ça. Attends. Mais moi, sans même travailler en anglais, ça m'arrive. Oui. C'est assez vicieux. Ouais. Mais on est les Gaulois de l'Amérique. Là. Oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est commun à tous ceux qui sont cernés par des gens qui possèdent une, ben, qui utilisent une autre langue comme langue principale. Ouais. J'imagine, je sais pas, là, un petit village en Russie où ils parlent le serbo-croate. Doivent avoir le même problème en utilisant des mots qui viennent du russe ou... Possible. Oui, mais l'anglais est assez... Je veux dire, même en France, ils ont le même problème. Oui, oui, complètement. Mais pas pareil. Non, il est différent. Ouais. Ils disent pas les mêmes mots que nous. Hein. Ouais, non. Ouais. Non. Mais faut pas mélanger, il existe plusieurs sortes d'anglicisme. Ah ouais? Enfin, oui, oui, oui. Mais là, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Entre autres, le sémantique, le morphologique. Là, en fait, il y a plein de formes. Là, quand on va justement... Là, prendre une expression en anglais et la mettre en français. OK, ouais. Qu'on va utiliser des mots comme congratulation, admettons. Ouais. Ouais. À date. À date. Ouais, ça fait du sens. Mais ouais. Un celui magasin qui est à plus département. Courant, je pense que c'est vraiment l'anglicisme lexical, qui est vraiment l'emprunt littéralement d'un mot ou d'une expression en anglais. Comme quand on va dire justement un podcast. Ou ouais. Shirley est enceinte, j'ai oublié de mettre mon rubber. Oui, exactement. Shirley, qui est un nom, un anglicisme du nom oui. Sylvie. Oui. Ça aussi, c'est un problème, cela dit. L'anglicisme du nom, du prénom, là, c'est un fléau qui frappe. On pensait que ça serait éradiqué, et non, hein, c'est un, ça y a revient, un retour. Hein. Hein. Au baptême de ma filleule, c'était assez comique parce qu'il était quatre à se faire baptiser en même temps et c'était vraiment... Alors, on est ici... Elle s'appelle Justine. Okay. Je me rappelle pas des noms, mais mettons, on est ici pour le baptême de Steven, Sidney... Kylan et Justice. Oh non! Alors que c'était Justine, c'était le seul nom francophone. Justice! Il l'a prononcé en anglais, étant donné que toutes les autres en anglais. Ah, mais oui. Mais les Français en ont beaucoup, là. Ouais. Rebecca, puis... d'autres. Shanna. Puis... Mais je pense que ça vient beaucoup de la télévision, j'ai l'impression. C'est des noms qu'on entend là, dans les journaux à potins, qui sont les stars du cinéma. Je pense aussi que la plupart des néologismes, les nouveaux mots qui sont créés, souvent sont en anglais parce qu'ils parlent de réalités qui sont comme très contemporaines. On parle, mettons, un fail sur Internet ou un meme. Mais c'est sûr que l'Internet et les technologies sont un peu menées par l'anglais. Puis ça a été la même chose pour la nourriture avec la France. Il y a bien des termes en nourriture qui sont utilisés dans toutes les langues, là, qui viennent du français. D'autres choses, dans d'autres domaines, comme l'italien pour la musique. Oui, c'est vrai. Donc là, l'anglais pour les technologies, c'est peut-être ça aussi. C'est ça qui nous... Le japonais pour les pratiques sexuelles. Oui. Oui, oui. Fais-moi un akizodo! Oui, c'est vrai que sinon, un cross-bull ou une chandelle charrue, c'est pas très japonais. Non, ouais. Souci ma bite! Saucé ma bite! Ah, oh, c'est bon. Oui. Mais ça, c'est d'ailleurs la différence. Oui. Souvent, on va utiliser énormément d'anglicisme au Québec, là, vraiment, vraiment plus qu'en France. Sauf que souvent, on va se donner la peine d'inventer un équivalent français qu'on n'utilisera pas ou peu par la suite, mais au moins, on va l'inventer, ce qu'ils font en général, même pas en France, en fait. Ouais. Mais comme balado, en France, il... Non. Il n'y a pas vraiment de... Ben, peut-être un peu à cause de nous. Là, ce qui arrive aussi, c'est l'autre problème, c'est qu'on a des fois inventé le mot qu'on a inventé et parfois pas si trippant, agréable esthétique. Et pour moi, balado-diffusion en est malheureusement un flagrant exemple. Ben, on devrait en trouver un nouveau. Ben, peut-être, parce qu'il y a quelque chose... Moi, c'est pas tant dans la diffusion que le balado, là, je pense. Balado. Qui... Ouais, mais je pense que c'est baladeur, là. C'est, podcast. Mais, ce qui me fait rire comme aussi, le mot clic. Le mot clic, hein, hashtag. Ce qui est quand même aussi drôle, c'est le phénomène des faux anglicismes. C'est des mots qu'on va prononcer en anglais, mais qui, même en anglais, se peuvent pas. Comme quoi, comme, mettons? Un talkie-walkie. Ouais, OK. Ou un camping. Ou un tennisman, mettons. Ouais. Même en anglais, ils diront pas un tennisman. Ils vont dire un tennis player. Ouais, ils vont dire un campground pour un camping. Un brushing, admettons, aussi. OK, oui, c'est vrai. Comme les c'est Américains bon. Qui disent « ice hockey ». Ice hockey. Pas « ice », mais « ice hockey ». Puis ben, tu fais « ouais, mais c'est parce que on considère pas l'autre sorte de non, hockey. Le hockey sur pelouse. Il est moins fréquent. Ouais, c'est ça. À part quelques révolutionnaires irlandais là, qui se sont donnés. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été pratiqué tant que ça. Là. Ouais. Comment on y règle ça, lui? Ben, je pense qu'une première solution, tu sais, on parle d'inventer les équivalents français. Tu sais, je pense qu'on peut pas arrêter d'utiliser un anglicisme cac-cac comme que ta phrase est lancée. Là. Mettons là, hey, je vais aller checker ça. Oh! J'ai dit « checker ». Fait que là, c'est à toi de peut-être le souligner puis arriver avec une proposition plus créative. Ben, vérifier. Hey, ouais, ben, mettons, ça, il existe, mais... Non, mais... Ouais. Mais mettons, on en cherche un exemple. OK, tu veux dire un mot qui n'est pas traduit vraiment? Ouais, mettons. Ben, tu sais, il y a des mots qui sont pas traduits qu'on utilise comme « steak ». Ouais. Puis il y a des trucs comme ça où on fait, ben... On s'assume complètement. C'est ça le nom là, en français. Mais taxi, je sais pas en quelle langue que c'est. J'avoue, hein. Ouais. Ça serait oui, mais il y en a qui finissent par être acceptés et qui rentrent dans le dictionnaire. Parfois, ouais. C'est pas les meilleurs. On se rappelle de l'exemple terrible du gazole. Gazole? La gazoil. Le gazole, ouais. Oui, c'est maintenant accepté. Qu'est-ce que c'est, gazole? C'est de l'essence. Ah ouais, je connais pas ça. Gazole. C'est drôle, oui, en France aussi, ils vont parler du ferry boat. Mon Dieu, ouais. un ferry boat? Ouais. Le pire que j'ai vu en France, mais il n'est pas accepté celui-là, il est quand même pas dans le dictionnaire, okay. Mais ça m'a tellement pris du temps à le comprendre, c'était du chicampi. Du chicampi. Oui, il vendait dans un restaurant, il offrait le chicampi. Et là, j'ai en fait, mais qu'est-ce que c'est que le chicampi? Et la serveuse m'exprime, mais ben, c'est une tarte avec du poulet. Oh, un chicken pie. Ok, chicken pie. Un chicampi. Hey, j'aurais jamais trouvé. Non. Tu m'aurais laissé avec ça là, toute une soirée de temps, j'aurais jamais trouvé ça. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. La cause là. T'sais, on est coleslaw, ben salade mais de choux. On a t'sais. L'équivalent. Ouais. On, volontairement, on choisit pas le bon mot, ouais. Mais on a au moins l'autre option. Oui. Puis elle tripante, mettons. Moi, salade de choux, moi j'aime ça moi dire aussi, ça. J'aime ça. Ouais, j'aime salade ça. De choux. Mais j'aime bien pickle. Pickle, Colin. Dill pickle. Cornichon à l'aneth, c'est ça, mm-hmm. Hein? Dill, c'est aneth. Ouais, c'est. C'est un gros aneth. C'est un gros deal. C'est un gros deal. Dans le sport aussi, c'est un gras. Là. Je sais que moi, je suis un grand amateur de football. Là. C'est parfois abominable d'entendre les commentateurs. Oui, les équivalents qu'on a trouvés en français. Là. C'est plus dur. C'est lettre. Je cherche des expériments. J'ai vu passer ça sur Facebook dernièrement. Oui. Je trouvais ça magnifique. Vous avez sûrement vu. C'est une liste de mots qui n'existe pas en français, mais que les autres langues utilisent ces mots-là pour définir des trucs qui, admettons, nous, il n'y a pas de mot pour dire ça. Ah oui. Je trouvais ça magnifique, en fait, tout ce qu'il y avait là. Je sais qu'entre autres, nous, le mot « dépaysé », le dépaysement est un mot qui existe uniquement en français. Okay. Il n'y a pas d'autres langues qui ont un mot pour décrire le fait d'être dépaysé. Le fait d'être dépaysé. Puis moi, je trouve ça très beau. Il y avait vraiment plein de... Oui, c'est vrai. Ouais, le mettons, il y avait le chatouillis qu'on ressent lorsque quelqu'un nous caresse. Je ne me rappelle pas dans quelle langue, mais il y avait un mot pour ça. Mmh. Le soleil qui passe au travers des feuilles dans une forêt. Là, cette lumière-là, il y a un nom dans une autre langue. Il y avait un paquet, mais je trouve pas. Je cherche des expériments depuis tantôt, mais c'était magnifique. La sensation que tu as quand tu fais... Une grosse crotte. Non, mais tu sais, des fois, on utilise ces anglicismes-là justement parce que le raccourci francophone n'est pas un raccourci, en fait. Il n'y a pas de raccourci en français. Il faut l'expliquer en plusieurs mots. Mais à la limite, ça, c'est peut-être le fun, de plutôt que de recourir aux anglicismes, aller chercher des mots dans plein d'autres langues. Tu sais, comme « Ah, j'ai vécu une trome novelle ces jours-ci. » Tu sais, comme vous... Tu sais, aller avec beaucoup de référencement. L'émotion qui reflète le mieux comment je me sens en ce moment, c'est le Sturm und Drang. Oui, tu sais, comme... Oui. D'ailleurs, toi-même, Simon, tu avais joué dans une pièce qui avait un nom bizarre. Comment ça s'appelait? Autobahn? Non. C'est pas si bizarre, là. Kvetch, là, ou... avec Sébastien Dodge, oui, là. Oui. Xion? Peut-être que je me trompe. Peut-être que tu jouais pas de... Kvetch, en tout cas. Il en a fait 14 avec Sébastien Dodge. Je sais bien. On a fait Xion, mais ça se voulait volontairement un drame de science-fiction. OK. Non, mais non, c'était pas ça. C'était vraiment un mot allemand. Taxi vient de taximeter, qui viendrait de taxameter... de l'allemand, taxameter. Et coin from the medieval Latin taxa, qui veut dire tax, charge. C'est rare qu'on a des mots qui viennent de l'allemand parce que dans les petites vidéos un peu dont, comme tu parlais, il y en avait un que j'aimais beaucoup, c'était à quel point il y avait des assonances dans tous les... En fait, des mots qui sonnaient pareil dans toutes les langues, sauf quand on mettait l'équivalent en allemand. Ah ouais? Oui, c'est comme crayon, tu sais, par exemple, crayon, tout le monde, ça sonnait pareil, puis là, t'arrives en allemand, puis c'est Furmenschnarten. Ils sont dans le gang. Voyons, là, ben, l'ananas, là, dans toutes les langues, sauf l'anglais, c'est pas, ça ressemble à ananas, là. Ah oui. Pineapple? Pineapple. T'as dit grapefruit, ça, c'est pamplemousse. Pamplemousse. Oui, c'est parce que pamplemousse, je me mélange toujours. C'est fou, c'est fou, hein? Une solution possible pour Antoine, je m'excuse Antoine, on jase beaucoup. Non, mais ce serait de se faire un allié hein, là-dedans. Il y en a un qui prend les notes pour l'autre, puis ouais. on vérifie à la fin de la journée, ou peut-être plusieurs alliés, mais tu sais, de ne pas le faire tout seul. Et parce qu'il faut les souligner. Des fois, on ne le remarque même pas. Ouais. C'est peut-être avec quelqu'un d'autre qu'on le remarque plus. Ouais. Moi, je sais que je dis souvent. Comment écrire full à Mathieu? Oui, ça c'est vrai, oui. Puis moi, on dirait que je l'ai francisé, hein. Tu sais, je l'écris toujours F-O-U-L-E. Ben oui, mais c'est une. C'est ah ça. Ouais, tu l'écris oui. full. Ouais, je l'écris ça, c'est full. Ménage, hein. Ben oui, tu fais. Je sais que tu veux dire full, mais tu veux dire full plein. Ouais, vois? Mais full, on dirait que moi, tu sais, c'est l'orthographe que je lui ai donné. Là. Mais j'avoue que, oui. Tu sais, ça pourrait être le fun de se faire un. Pardonne-moi l'anglicisme, un Tumblr, mettons, au bout d'une période de temps. Est-ce là, que c'est un anglicisme, Tumblr? Mmh. Tu veux dire Tumblr pas, pour le site, c'est là? Ouais, le site. Je pense que c'est un non, nom. Hein. Un Tumblr. C'est comme si je disais, si je mettais un statut Facebook, je ouais. c'est pas un anglicisme. C'est pas non. face, tu vas pas commencer. Puis Twitter, tu vas pas dire gazouillis. Ouais, ben, il y en a qui le font. Je vais pas aller sur le gazouilleur, je vais aller sur Twitter, pareil. Moi, j'appelle ça YouTube. YouTube. Toi, tube. Ben, si c'était Christiane Charette, tu dirais YouTube. YouTube. Okay. Ah, YouTube. Oui. YouTube. Mais ouais, on dirait que ça pourrait être le fun de répertorier là, les anglicismes qu'on a évités puis les nouvelles affaires qu'on a créées. Là. À la limite, ça me tenterait de faire ça. Sinon, une solution pour Antoine serait de rejoindre l'ordre des Chartreux. Hein? Oh. Qui est un ordre religieux qui ont fait vœu de silence. Oh, toi, tu vas jusque bang! Là. Bang! Tu veux plus faire d'anglicisme, mon gars? Parle plus. Ta gueule. Bang, mais en même temps, tu trouves une petite vocation caractère religieuse, tu peux trouver quand même la paix, ça j'aime sent s'emmerder. Et bing, fini les anglicismes. Je te le garantis. Qui serait... À moins que tu triches, là. Ouais. Ça serait qui pour vous un icône, disons qu'on cherchait un personnage public là, qu'on apprécie particulièrement sa manière de s'exprimer parce qu'elle serait toujours faite dans un français juste Gilles Proulx. Non, mais comment il s'appelle Bertrand Radio-Canada? Celui qui fait le. Oui. La Toya de. Guy Bertrand. Oui, c'est vrai. Charles Tisser. Oui, Charles parle très Tisser. Bien. Salomé Corbeau. Oui. Parce que l'autre manière, ce serait s'amuser. Moi, ça vient de m'arriver. S'amuser à parler comme Jean-Louis Roux longueur de journée. Se créer une espèce de personnage et trouver ça drôle avec ses amis de parler comme le ferait Jean-Louis Roux. Je pense dans un désir de mimétisme, ça va faire qu'on va... Puis doser ce personnage-là pour qu'il fitte quand même dans ta job de tous les jours. Oui, il peut blaguer. Puis les gens savent que tu niaises. Tu travailles dans un service à clientèle de Vidéotron. Mais ça devient comme une blague, ça devient comme drôle entre nous de s'amuser. Mais reste que je pense bonjour, merci d'avoir choisi Vidéotron. Est-ce que je peux vous aider? C'est Edgar. Mais je pense que je connais des gens qui font ça. T'sais, moi, j'ai eu des profs qui... Tu fais, c'est pas vrai, là. Tu parlais pas de même avant. Ah oui, mais Des profs de voix, là, tu fais, voyons donc. Ah oui, Frédéric, blablabla. Des fois, il faut se croire. Faut se croire, puis faut tendre à quelque chose de plus élevé. Mais chez les hipsters du Myland, on a noté ça aussi, là, qui utilise un français... Qui utilise un français un peu plus soutenu, un peu plus poli. Il y a comme une éloge aussi de la langue française. Il y a l'influence d'Outremont aussi. Mais en anglais, quand ils parlent anglais, c'est le contraire. Sans accent. Il paraît que les anglophones montréalais se font spotter tout de suite dans le reste du Canada parce qu'ils utilisent des termes très francophone. Ah oui, OK. Ah, je savais pas ça. Bon appétit. Mais non, mais dépanneurs, puis tout des vraiment régionalismes. Puis aussi des tournures de phrases que nous, on utilise en anglais. C'est vraiment l'effet inverse. Là, c'est la gaule dans la gaule. Je comprends. C'est comme des franco-ontariens. Ouais. Ouais. À cause que t'as pas rapport de tout. De quoi tu parles de? De quoi tu parles de? Ouais. Tu parles de. Yaha. Mais j'allais dire, même sur le groupe, pas de problème, on pourrait se créer un doc, tu sais, mettons, puis on met des mots, tu sais, comme hipster, puis on cherche des équivalents français. Là. Il me semble que ce serait le fun de faire ça. Moi, déjà, là, j'en ai pas, là. Ouais. Mais il y a des mots qu'on. En anglais. Par contre, il y a des mots qu'on a le droit d'assumer. Faut ouais. peut-être juste les nommer, là. Mais il y a des mots, je pense que. Il y en a quatre, je pense. Oui. On va les nommer. T'as du steak. Non, non, mais. Je vais trouver les autres, ouais. Je vais le dire tout de suite. Non, mais qui méritent leur francisation. Ouais. Butterscotch, admettons. Ouais. Butterscotch. Je suis pas certain, non. Caramel écossais. Caramel écossais. Caramel écossais. Ouais. Oui. Du dolce de leche. C'est vraiment là, on a des marques, là, encore. Là. Confiture de lait. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est pas évident là, votre jeu. Non, non, les mots. C'est drôle aussi les mots qui partent de vraiment de l'anglais, mais qu'on a tellement francisé, québécisé, ouais. Que maintenant on a l'impression qu'ils sont français. Là. La fameuse Bécosse. Oui, ouais. Ouais. Ça, la Backhouse. Ouais, Backhouse, ah oui, je savais pas ça. Tu savais pas? Non, non. Baseball. Ouais. Ouais, du baseball. Tous les sports en ce sens-là. Blazer. Un blazer. Un blazer, ah ouais. Short. Tweed. Tweed. Short. Du tweed, oui. Un tweed. Les rails. Les rails. Un rail, ouais. Ouais. Rail. En tout cas. Avez-vous déjà vu dans un menu de restaurant le mot beefsteak? Tu sais, B-I-F-T-E-Q-E. C'est un vrai mot en langue française maintenant. Mais c'est pas bien beau. Mais je sais pas si c'est maintenant, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, là, oui. Mais c'est vieux. Beefsteak, là. On dirait que c'est un exemple de... mauvaise francisation. C'est d'ailleurs un restaurant à Boucherville, mais ils écrivent T-H-E accent grave Q-U-E. Le beefsteak. Ah ouais, beefsteak, c'est plus comme la discothèque du bœuf. La maison du beefsteak, en fait. La maison du beefsteak. Beefsteak. Mais je vous envoie ça, là. La jarre, c'est un classique de pas de problème. On a quand même utilisé souvent. Là, la jarre, tu mets on devrait les dire en partant. On devrait les noter, là. Ouais. La canne avec la carotte, la jarre, la stimulation génitale. Oui. Mais maintenant, le butt plug et la hot et sauce. La fucking hot sauce. Mais, il y a des équivalents. Mais ça m'a fait penser, ouais, mais c'est un peu un anglicisme, mais j'ai inventé le buzz gas. OK? OK. Tu en français, Frédéric, pour le c'est bénéfice. C'est le buzz gas. Ça sonne c'est mieux. C'est quoi le buzz gas? Ben, tu... L'électrificateur de testicules. L'électricule. L'électricule. Oh, très bon. L'électrochenol. Fait que là, tu donnes la manette à ton partner, puis que tu... Faut que tu le... J'allais dire, tu le trustes. Faut que tu lui fasses confiance, mais il te buzz. Ah, il buzz un peu. La Tesla-sticule. Oh! Tesla-sticule. Oui, ouais, très bon. Tu donnes pas ça à ton chum, là. Tu plugs un reconnaisseur vocal qui reconnaît les mots en anglais et les mots en français. Idéalement. Ton idéalement. C'est sûr qu'il va te faire des mauvaises blagues, là. Oui. mais tu peux te buzz-plugger avec la hot sauce aussi, t'as un casseur. Aussi, sauf que c'est dur de, ouais, de si le faire à chaque mot. Si je passe une journée sans anglicisme, je l'enlève. C'est un peu bizarre pour les gens qui t'entourent. Si je fais des anglicismes, je m'en mets. Ouais. C'est un peu bizarre pour les gens qui t'entourent, tu sais, de baisser tes culottes à chaque fois. Non, moi, je pense que tu peux faire ça en arrivant chez vous. Tu le sais. Quand tu prends une note à toi-même, là, fait que c'est ça, tu fais... Ça demande beaucoup d'autodiscipline. Un 5 secondes pour chaque mot ou... Ou 3 minutes. Je pense que quand ça commence à être le fun, t'arrêtes. Ouais. Là, la punition, c'est dur. C'est duré, ouais. Mm-hmm. Mm. D'ailleurs, Simon, j'ai essayé de t'ajouter au groupe Pas de problème cette semaine sur Facebook. Oui. Mais ça m'a dit, vous ne pouvez pas ajouter des gens qui se sont enlevés du groupe. Oh! Mais. Le chasseur du sac! C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a mis un lien de hot sauce cette semaine. La hot fucking sauce. La hot fucking sauce est disponible maintenant sur le. Attends, je vais checker ça. Donc, faudrait dans le fond qu'on te donne l'adresse exacte du groupe que toi, tu demandes. Ben oui, je vais revenir. Reviens, Simon. J'ai fait une purge à un moment donné. Non, mais je te comprends. Non, mais tu sais, si tu ne suis pas ça... C'est sûr. The hottest fucking sauce. Un instant. Oui. Add to cart. Oui. Yeah. T'en achètes là? 10$. Mais leur prix, c'est 8,95. On devrait tous s'en commander un petit pot. Ouais, mais c'est pas évident de faire venir ça des États-Unis. C'est des États-Unis que ça vient? Ah, il y a de la bouffe, faire venir de la bouffe des États-Unis, mais ça coûte un... Ben, tu l'as fait avec les pochettes de Hurricane? Ouais, ça a coûté cher aussi en shipping. Juste en shipping, ça a coûté... En shipping? Le double. En... C'est bon. Oh! En manutention! Manutention! Mais je pense qu'une des solutions aussi, c'est ça, là, de faire attention. Ouais. Ben, de juste... De se donner la chance de se reprendre puis de faire attention. Je sais que nous, on en a des anglicismes, mais on a quand même un certain souci par rapport à ce qu'on dit puis comment on le dit. Puis... Je sais pas, non? Ben moi, j'en ai beaucoup. Je suis très souillé d'anglicismes. Oui, mais ça dépend. Bon, on en a tous. Ouais. Ah oui, c'est clair. Là, ça, on en a plein. Mais il reste que des fois, je sais pas. Moi, si je parle avec... justement, dans le podcast, j'essaie le plus possible. Tu sais, je dis « arrobas », je dis pas « at » ou... Ouais, je comprends, ouais. On essaie d'utiliser les termes qui sont offerts. Oui. Et même d'en créer de nouveaux. Oui. Ça, on le fait souvent. Tu connaissais-tu ta barre plate? Non, mais je l'aime bien. Ça, oui, c'est bon, complètement français. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. Oui, c'est pas mal. Oui. J'hésitais à dire, tu sais, est-ce que ce goinfrer littéralement de... Parce qu'on consomme énormément de culture, en tout cas dans mon cas, énormément de culture anglophone. Mm-hmm. Donc, de plonger à l'épicentre du Léo Ferré, relire Marcel un peu Proust en français. Là. Écoutez, parce que là, je ne veux pas recommander de regarder des films doublés parce que c'est vraiment trop pénible, là, mais au moins regarder peut-être Manon des Sources, taper un peu du Pagnol. Ouais, mais j'allais dire ou faire un long voyage, mais si tu vas en France, tu vas pogner d'autres sortes d'anglicismes ou tu vas pogner des francécismes, ouais. Je sais pas, non mais des tournures, l'argot, là, des tournures qui sont vraiment françaises, de France, mais pas nécessairement de la francophonie, là. Mais quand même, en ajouter de d'autres langues, oui, c'est bon, j'ai des anglicismes, mais j'ai aussi des mandarismes. Et des arabismes. Oui, c'est ça. Donc, mais des arabismes, en fait, on en a plein, je pense. Le français est tellement tiré de l'arabe. Là, je pense que si on faisait l'exercice de dire quel mot vient de l'arabe, là, chaque fois qu'on dit comme du latin, mettons. Là. Ouais. Chaque fois qu'on dit pi. Notre alphabet vient de l'arabe. Ouais. C'est l'alphabet arabe. Ben, il me semble que oui. Il me semble que c'est les chiffres c'est les qui chiffres sont arabes. Arabe, ouais. Ah oui, l'alphabet arabe. Il est plus grec, je pense, notre alphabet. Non, l'alphabet grec, il n'est pas latin? Je suppose. Hey, je vais checker ça parce que là, c'est lourd. Désolé, gang. Mais oui, mais il y a beaucoup de mots de l'arabe qu'on utilise. Je me semble d'avoir vu ça. Oui, ben en fait... Tagine. Non, c'est pas vrai. Mais... Ouais. Cachère. Oui, c'est ça. Alab. Tamoul. Taboulé. Il me semble qu'il y a beaucoup de latin ou romain, je pense. Ouais. Mais sinon, moi, j'allais proposer, je sais pas si ça existe encore, sûrement que ça existe encore, mais s'abonner aux sélections du Reader's Digest. Ah, ben oui. La digestion du lecteur. Oui. la digestion. Surdigérer. Le nom soit en anglais, il y a à l'intérieur la section « Enrichissez votre vocabulaire ». Oui. Qui, par un petit jeu fort amusant, te permettait de lier des mots à des définitions. Et comme ça, apprendre des nouveaux mots. Mm-hmm. C'était une opération fort enrichissante. Tu sais comme moi que tu skippes tout de suite aux jokes, là. J'avoue que moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans la section « Rions un peu ». Rions un peu. Ou des gens comme vous et moi. Des gens comme vous et moi. Oui. Et qui n'étaient pas drôles, leur joke. Des fois, il y a une de temps en temps. Oui. Celle-là de Bazooka, là. Les jokes Bazooka puis les jokes des carambars et les jokes du rion un peu. Là. Des fois, il y avait des citations inspirantes que j'aimais bien. Oui. J'en ai retenu peu, là, mais oui. Messieurs, On s'en va sur le gazouilleur. Oh oui! Okay. Sur Twitter, on a trois bières qui nous ont écrit « Remplacer les anglicismes par des néologismes ». C'est un peu ce que tu proposais. Oui, tantôt, oui, oui. Jess Chapleau, « Parler juste anglais, boum, réglé ». C'est moi qui ai rajouté le boum. Très bon. Il a le tweeté deux fois, donc un boum, c'est un anglicisme oui. aussi. En français, on dirait un boum. Un boum. On dirait la boum. Pataclan! Pataclan! Alors, Pierre-Luc, qui est aussi de Trois-Bières, se faire couper la langue, mais ça réduit aussi les mots en français. Mm. Il y a Stéphane Deguire qui écrit « Va pas en France ». Voilà. Donc, c'est dit. Ça, c'est ouais, on se le tient pour dire. Ouais, vraiment. OK. N'est-ce pas, monsieur? Oui, ouais, vraiment. Ben, c'est ça, mon frère aussi qui a ajouté « Arrêtez de se tenir avec des Français », mais là, c'est redondant. Oui, tu veux dire qu'on a peut-être besoin de ces qualités de géocacheur. Oui, cacheur. Géocacheur. C'est des caches. Ah! Ouais. Mais tu sais, histoire là, de se donner de l'espoir, là, tu sais, moi, je pense que le Québec, tu sais, a quand même guéri beaucoup de problèmes d'anglicisme. Là. Tu sais, je lisais récemment là, le livre de Jacques Lorrain, qui était une espèce de précis pour améliorer son français. Là. Et tu sais, il y avait des anglicismes là-dedans qui n'avaient pas de bon sens. Là. Les gens parlaient de « pentré », de « hey, belle ta purse », tu sais, des ridicules. Oui, là, tu sais, c'est vrai. Tu sais, des mots comme peut-être ça. Là. Justement, une des solutions serait de faire en sorte que le Québec soit encore plus menacé linguistiquement parlant pour renforcer notre désir de bien parler français. Mm. En même temps, je suis pas certain que toutes nos expressions se sont si bien exportées dans la francophonie. Là. Non, c'est sûr. Ouais. Là, on est peut-être bien content du courriel, là, mais je suis pas certain qu'il soit utilisé tant que moi, ça. Moi, je l'utilise. Ouais. J'utilise que ça. Oui, attends, ici, il est relativement utilisé, mais je me demande à quel point quand même. Là, c'est quoi son rayonnement. Là. Mais c'est quoi? T-shirt, ils ont déjà voulu faire gaminer, ça n'a pas pogné. C'est... Je pense que Gamilé est utilisé quand même, c'est le terme des maillots de sport. Mais oui, ça a vraiment été un jersey. Oui. Oui, et puis si t'en achètes un maillot, c'est un New Jersey. C'est un New Jersey, oui. Mais Gamilé, ça a vraiment été inventé pour remplacer le T-shirt. Hey. Gaminable. Boum! Oh! Pataclan! Pataclan, pétarade! Pataclan, Mathieu! Yeah, cassé! Avez-vous d'autres solutions, les gars? Blonde à les dents. Hey, je trouve qu'on n'a pas été fort dans les solutions. Hein. On a beaucoup parlé de ça. Mais ça va peut-être l'aider à faire son chemin. Puis, il nous offre des réflexions, là. Ben, moi, j'en ai donné plein, là. Les pères chartreurs, là. Ben, oui, c'est bon. Moi, j'aime bien ton imitation d'Edgar Fruitier. Là, je pense que si tout le monde parlait comme ça tout le temps, là, il y a des bonnes solutions. C'est vrai. Ouais. S'il se mettait à toujours imiter Edgar Fruitier dans la vie, je pense qu'il réduirait de beaucoup le nombre de. Est-ce que essaie de faire quelques anglicismes en parlant comme Edgar Fruitier, voir si c'est possible. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dans mon derrière? Oh, mais est-ce un butt plug? Oh mon Dieu, c'est encore plus drôle. Non, c'est un shaft! Un butt plug. Un bouchon de péteux. Oh, mais c'était un bouchon de péteux. Un bouchon rectal. Oui. Non, mais oui, moi ma solution préférée que je prône, c'est vraiment c'est l'alternative créative et le fait de la publier pour que ce soit amusant pour les gens. Oui. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, puis c'est d'emprunter des anglicismes, mais des cismes à d'autres langues. Puis vraiment colorer son langage de plein de mots. De faire « Ah oui, mais ça, si les gens te posent la question, « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? » « Chang Wei. » Là, tu fais « Ah, ça, c'est un terme... » Typiquement bulgare. Oui, c'est ça, pour dire « taxi ». Oui. Tout à fait. Et bon, juste pour dire que je vais faire différent, c'est pas nécessairement ma solution préférée, mais je dirais que si on relit à chaque année l'œuvre entière, la comédie humaine de Balzac, ça va assurément enrichir notre vocabulaire. Oui. Ouais. Moi, j'y vais vraiment avec la lecture de bol, la sélection du Reader's Digest. Enrichissons notre vocabulaire. Oui, vraiment. Puis tu vas être content d'utiliser ces mots-là. Tu n'auras même pas envie d'utiliser des anglicismes. Oui. Ouais. Ou les petites colles du doctorat, là, ça peut peut-être... Oui, c'est vrai. Tu peux te faire 200$ en envoyant une anecdote. C'est-tu vrai? Okay. Hey, juste avant de vous quitter, on a une couple de choses à vous dire. Ah oui. Donc, aujourd'hui même, j'ai reçu un enregistrement par podproblème@gmail.com. Oh, yeah! D'un problème d'un Français. Wow! Oui, donc, on devrait l'aborder d'ici peu, dans quelques semaines. Quelques années, hein, peut-être. Oui. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos problèmes de toutes ces façons-là. Et autoplog, j'ai commencé des petites capsules qui s'appellent « Pose pas de questions, t'auras pas de niaiserie ». C'est sur YouTube, allez voir ça. C'est fun. Oui. Sinon, si vous voulez vous procurer un gaminet, pas de problème, rendez-vous sur le site internet monsieursabille.com oui. Et cliquez sur l'onglet « Pas de problème ». Très bon. Sinon, il y a notre grand extravaganza du 200e qui s'en vient, Fred. Hein? Non, c'est passé, on l'a fait. Ah oui! Ah, écoute, ça a été tellement mirobolant que je... Je te rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Un gros merci aux invités, d'ailleurs. Merci pour tout ce cristal. Oui. Ouais. Oui. Oui. Donc, on espère que vous avez apprécié notre 200e. Et n'oubliez pas qu'on est tous à la lime, ici, les quatre. Les dimanches soirs au Lion d'Or. Allez voir ça. Et merci, Boilly Boileau, pour l'enregistrement. Ça fait toujours plaisir. Hein? Si vous aimez ce que vous entendez et que vous avez envie de nous faire un généreux don, rendez-vous sur le site linstable.com et cliquez sur l'onglet « PayPal ».« Ami de paye ». Et vous pouvez nous faire un don, qu'il soit symbolique ou très, très généreux, substantiel. On est toujours heureux. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les donateurs qui ont donné jusqu'à présent. Oui. Sur iTunes, ça tu dis? Oui, vous pouvez voter sur e-chanson. E-chansonnette. Et sur Balado Québec pour nous donner 5 étoiles. D'ailleurs, on s'est fait passer, on n'est plus premier sur Balado Québec. Pardon? Parce qu'il y en a un qui a 2 votes de 5 sur 5. Entendez-vous? Oui, excellent. Hein? Non, mais nous, on a 243 votes. Eux, ils en ont 2, mais 5 sur 5. Ouais. Et je tiens à les saluer. C'est OK, je vais aller annuler mon vote. Là, il doit bien avoir une manière de dire. Ben... Parlons Balado. Qui nous mentionnent dans leur première balado. Wow! On les envoie chier, Cyr... non? Avec Cyr Maximum, Jess Chaplot et Crapule, qui... c'est leur nom Twitter. Dépêchez-vous d'aller leur donner une étoile. Une seule étoile. Redonnez-nous notre place. Hey, ça, c'est la boîte. 4,5. C'est et la boîte de Pandore, ça. Ouais. Hein? Non, c'est pas vrai. On les aime déjà. Oui. Non, mais ils ont parlé de nous, puis ils nous ont dit qu'ils appréciaient beaucoup notre podcast, qu'on le faisait bien bidonner. Ben, ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Nous écouter et aller écouter ça. Parlons balado. Je sais pas si on est rendu à combien, mais ça commence là. Est-ce qu'on va se donner des surnoms éventuellement pour leur faire compétition? Oui. Ben, je te prends au mot Burke. Ok, on va peut-être se donner une autre semaine avant que ça devienne définitif. Non, mais ça, c'est mon nom! Burke Bouchy. Burke Bouchy. Ou Burkion. Berkeley. Bon, alors, le mot de la fin, quelqu'un. Alors, vous avez un problème. Non, fallait... Edgar. OK. Eh bien, vous avez un problème et nous avons un podcast. Excellent.